Si vous connaissez déjà le numéro du service souhaité, vous pouvez le taper dès maintenant. Pour actualiser votre situation mensuelle, tapez 1. Si vous souhaitez vous inscrire ou vous réinscrire, modifier un rendez-vous ou connaître les démarches à effectuer suite à la réception d'un courrier d'avertissement ou de décision de radiation, tapez 2. Pour consulter vos paiements, signaler un changement de situation ou obtenir une attestation, tapez 3. Vous souhaitez des informations sur vos droits à l'indemnisation, des conseils sur votre recherche d'emploi ou de formation, tapez 4. Pour toute information sur les tarifs, tapez 5. Pour réécouter le sommaire, tapez étoile.